Voilà quel boucher. Je donne du mou pour mon chat. Enfin, c'est pas tellement mon chat, c'est le chat à ma sœur. Enfin, je sais pas si c'est un chat ou une chatte. Je crois que c'est une chatte qui a été castrée. Enfin, je sais que ça fait miaou, quoi. J'ai plus de mots. Oh, ben non. Qu'est-ce que je vais y donner, alors, à la chatte à ma sœur? J'ai du cœur. Montrez-moi votre cœur. Il est mou. Ben, comme ça, vous serez content. Vous ayez du mou. Eh ben, il n'y a pas de mou, mais il y a du cœur qui est mou. Vous avez du cœur et du mou. Pourtant, pas donner un cœur qui est mou à une chatte. C'est que c'est fragile, ces petits machins-là. Surtout la chatte à ma sœur. Bah, il n'y avait pas 36 chemins, voyez-vous. Faudrait pas qu'elle soit malade quand ça se met à tousser, ces petits animaux-là. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans vos abats? J'ai des pieds de veau. Vous avez des pieds de veau, vous? Ça vous gêne pas pour marcher? J'ai des beaux pieds de veau. Eh ben, montrez-les-moi. Il va falloir les gratter, ces pieds-là. Ils sont pas tellement propres. Faut les brûler puis les gratter, je pense. Mais dites donc, mes pieds, ils sont aussi propres. Mais dites donc... Mais dites donc... Mes pieds, ils sont aussi propres que les vôtres, moi. Mais je parle pas des miens, je parle de vos pieds. Je veux pas les gratter, quand même. Bon, ben, pour une chatte, c'est suffisant, des pieds de veau, même s'il faut les gratter. Oh, mais dites donc. Je veux pas refiler n'importe quel pied de veau, surtout les vôtres, à la chatte à ma soeur. C'est que c'est mignon, ces petits machins-là. C'est fragile, voyez-vous. Faut pas brusquer ces petites chattes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? J'ai une belle tête de veau. J'ai une tête de veau. Voulez-vous la faire voir? Eh bien, j'ai votre chapeau. Elle est naze. Elle est naze, ma tête de veau. Ah, oui. Eh bien, si vous la trouvez naze, ma tête de veau, ben, vous avez qu'à leur donner un beau rhum steak. Un rhum steak pour la chatte à votre sœur. Oh, mais dis donc, au prix où que ça coûte. Moi, le samedi et le dimanche, je scie du bois pour me faire des heures supplémentaires pour pouvoir m'acheter des beefsteaks, puis je vais acheter du rhum steak pour la chatte à ma sœur. Non, mais ça va pas. Oui, non. Ça commence à être un peu long, vous, hein. C'est tous les clients, fallait que je reste au moins un quart d'heure comme ça avec vous, dis donc. Ben, vous n'allez pas m'engueuler, non. Ben, c'est la meilleure de l'année, celle-ci, alors. Vous avez pas de mou. Vous avez un cœur qui est mou, vous avez des pieds de veau qu'il faut gratter, vous avez une tête de veau qui est naze, et c'est vous qui allez m'insulter. Oh, je commence par en avoir vraiment être fatigué. Vous. Écoutez, vous voyez, moi j'ai du travail. Le rhum steak, moi je vous le donne. Je vous le donne, moi le boucher, à une condition. C'est que vous alliez faire le même cinéma au boucher qui est en face. Vous voyez, à la boucherie Chevaline, de l'autre côté de la place. Ah ben là, je peux pas, voyez-vous. Vous pouvez pas? Non, je peux pas. Et pourquoi? C'est lui qui m'a envoyé ici.